Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est parti pour une demi-heure de disco et de funk. Pour la découverte, Gladys Knight and the Pips, un groupe de musique américain R&B, soul et funk originaire d'Atlanta en Georgie, qui est resté actif dans les charts musicaux et sur le circuit pendant plus de 3 décennies, à partir du début des années 50. Commençant simplement sous le nom de The Pips, en 1952, dérivé du surnom d'un cousin qu'ils avaient, les membres fondateurs étaient Gladys Knight, son frère Merald Bubba Knight, sa sœur Brenda Knight et ses cousins Eleanor Guest et William Guest. Ils publient des albums jusqu'en 1987. Le morceau d'aujourd'hui est Save the Overtime, paru en 1983 et tiré de l'album Vision. Bonne découverte. I know it's Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. La suite, c'est les 100 hits. Aujourd'hui, CG & Co est leur titre Devil's Gun. Sur le papier, rien ne destine Devil's Gun à trôner en tête du top disco durant 5 semaines. Dans le refrain, la phrase Fi-Fi-Fofum est tirée de Jack et le haricot magique. Elle est utilisée pour annoncer un danger. Le texte est sans équivoque. Une majorité d'artistes disco afro ont grandi dans la religion et leur éducation musicale vient du gospel. CG & Co est un quintet composé de 3 hommes et 2 femmes. Ils débutent à Détroit sous le nom de The Stride et sortent des singles Soul. Devil's Gun est une adaptation d'un titre obscur venant de Grande-Bretagne, coécrit par Barry Blue, qui est le producteur de Cheerlean et aussi le producteur de Heatwave. Alors, le morceau, il va se situer entre la soul psychédélique et funky de Norman Whitfield et celle plus élégante, bien sûr, de Philadelphie. Pour planter le décor, imaginez une piste de danse remplie de débauchés, pour ne pas dire autre chose, danser sur ce sermon disco. Ceux qui sont attachés à la religion et à la morale voient dans la discothèque une succursale de l'enfer. C'est tout le paradoxe de ce succès qui fut le premier morceau diffusé à l'ouverture du célèbre Studio 54, la célèbre boîte de nuit de New York, qui a vu passer des stars à l'appel. C'est parti pour griller un enfer. We'll be right back. On continue avec l'exploration de l'album Real People de Chic. Second extrait, Rebel Are We, est paru en juillet 1980. La chanson va marquer le changement de direction musicale du groupe en y incorporant des éléments de rock et de new wave. Le titre atteindra une 8e place au 8US, c'est pas si mal que ça, et il figure souvent sur les compilations du groupe. J'ai jamais trop fait gaffe, vous allez me dire. C'était en 1980 et ça donnait ça. on va passer au maxi. Les Bee Gees ne sont pas passés depuis un bout de temps dans notre émission. On va réparer ça tout de suite avec un morceau pas encore diffusé, Tragedy. Le single atteint la première place des charts au Royaume-Uni en février 1979 et il a répété l'exploit le mois suivant au classement des ventes de singles aux États-Unis. Bien que n'étant pas à l'origine dans La fièvre du samedi soir, il a ensuite été ajouté à la partition musicale de la version en comédie musicale. La chanson a délogé I Will Survive de Gloria Gaynor de la première place aux États-Unis pendant 2 semaines. Avant que la chanson ne redevienne de nouveau numéro 1 pendant 1 semaine supplémentaire. C'est parti! Here's a lie. Mister Disco et Mister Funk sur Fat Jam. On arrive à la pépite. Dan Hartman va nous faire l'honneur d'interpréter I Can Dream About You, tiré de la bande originale du film Streets of Fire, sorti en 1984. Le morceau sera classé top 6 aux États-Unis. Je pense que chacun connaît ou a déjà entendu ce morceau très stylé, années 80, sans savoir que c'était Dan Hartman qui l'interprète. C'était en 1984 et ça donnait ça. Alors, je suis certain que vous l'avez déjà entendu au moins une fois. Ça a dû vous parler. Bon, hélas, nous voilà au terme de notre rendez-vous. Je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche aussi, une bonne semaine aussi, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le dernier samedi du mois, donc c'est le retour de la saga. Saga d'un groupe qui passe souvent dans notre émission, SOS Band. Donc, je vous dis samedi, même heure, même endroit. Bye bye.